Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Voyage au centre du cerveau, une série de Lydia Benitzak réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a nos pensées, de quoi elles sont faites et les circuits mystérieux qui les produisent, mais aussi le rêve de savoir si notre personnalité se cache au fond de nos boîtes crâniennes. Et puis cette aspiration à se contrôler totalement, soit, voir les autres, par la volonté ou l'hypnose. Il y a aussi les recherches accumulées par les chirurgiens, les médecins et les neurologues qui dissèquent, tranchent, stimulent ou scrutent. Et enfin, tous ces scénarios cauchemardesques ou merveilleux qui nous plongent dans une réalité proche de la science-fiction, où les robots sont intelligents, autonomes et ont peut-être même une âme. Alors pour commencer, les personnages. Un régisseur et un conservateur passionnés par leur musée, une historienne habitée par son sujet, un historien qui s'est plongé dans l'histoire médicale et une spécialiste de la mort et de la conservation des organes. Ensuite, le décor. Un des plus vieux musées de France, les boiseries d'une bibliothèque, des bocaux de formoles où flottent des créatures étranges et de vieux organes, des moulages de cerveaux, quelques grimaces de dégoût et des rires nerveux. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive à l'école vétérinaire. Suspendu au-dessus de l'antilope, le système nerveux d'un cheval, comprenant l'encéphale, les yeux, les nerfs crâniens, la moelle épinière, les nerfs spinaux et le système nerveux autonome. Il s'agit là d'une véritable prouesse, d'autant plus appréciable si l'on sait que le système nerveux est le plus fragile de tous les tissus et qu'il a fallu briser délicatement la colonne vertébrale et le crâne pour les dégager. On peut imaginer l'anatomiste et ses élèves engagés dans une lutte contre le temps, tentant de dégager le délicat tissu des os avant que la putréfaction ne le fragilise. Donc là, on arrive devant l'école vétérinaire d'Alfort. Et c'est là que se trouve le musée Fragonard, qui est quand même un des plus vieux musées en France. Donc la bâtisse est assez claire, assez étendue. Il y a des grandes grilles. Et on va voir à l'intérieur comment on a étudié également le cerveau des animaux avant de regarder de près le cerveau des humains. Déjà, très impressionnant. Dès l'entrée, on voit des choses très étranges. Oui, tout à fait. Donc, c'est la découverte. Vous verrez les écorchés de Fragonard, notamment, dans le cabinet de curiosité. Et puis, vous verrez aussi d'autres monstruosités, la petite sirène, notamment. Ah. Il se trouve dans une vitrine, dans un bocal de formol. Donc, en fait, c'est une petite fille qui est décédée depuis plus d'un siècle. Et qui a des deux jambes qui ont fusionné comme la nageoire d'un poisson. Et donc, c'est une maladie, je crois, qui s'appelle la maladie de la sirénomélie. C'est une maladie cérébrale. Hein, donc, voilà. Et donc, vous verrez cette petite fille qui se trouve dans ce bocal, juste là derrière. Mais est-ce qu'il y a des cervelles ici? Vous verrez forcément, je pense, une cervelle quelque part. Derrière vous, là, j'en vois deux, trois qui sont colorés avec des étiquettes partout. Donc, voilà, et tout là, à fait. C'est plutôt des moulages. Des moulages peints. Donc, voilà. Des demi-cervelles, en fait. Et puis, vous avez des crânes, le crâne éclaté à la Beauchesne, qui est spectaculaire, que vous verrez dans la vitrine juste à côté. D'accord. Donc, ce crâne-là vaut le détour. Hein. Bon, voilà. Relativement, alors là, on est très près de ce qu'on peut voir dans la collection Dupuytren. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Il n'y a pas de légende, il n'y a pas d'explication, mais regardez ce bocal. Alors là, le liquide, il est carrément roux. Oui, il est ambré. On dirait qu'il est rouillé. Oui. Il y a des bouts de filaments qui pendouillent un peu du cerveau aussi. Oui, ce qui n'est pas étonnant, enfin, c'est des petites fibres, quoi. Dans les traités d'anatomie du 18e, ils décrivent tout ça. Quand on enlève un cerveau, en fait, il y a plein de petits bouts, de petits filaments qui restent collés. Donc ça, c'est un vrai. Et donc, il y a aussi des centres de reproduction en cire. Elles sont jolies. Hein. Elles sont bien faites avec les circonvolutions. Par-dessus, par-dessous. Ouais, le césure de Sylvius, le cervelet en bas, là-bas, à droite. Un peu poussiéreuse, mais bien faite. Elles sont bien faites. Ah, c'est élégant, c'est un organe élégant. Hein. Ah oui, là, il y en a d'autres. Alors là, ils sont carrément dans une sorte de plexiglas. Ouais. Et donc, ils ont été un peu plastifiés. Et là, on en voit un d'en dessous qui est... Est-ce que c'est un cerf? Ah non, c'est un cheval. C'est un cheval. C'est un cheval. C'est un cerveau de cheval. Ah oui, mais c'est vrai qu'on ne reconnaît pas comme ça. On peut se questionner, ça ressemble. C'est là où on voit l'anatomie comparée. C'est là où elle prend tout son intérêt, vous imaginez? Ça ressemble énormément. Hein. Ah oui, il y en a un qui est découpé en deux. Est-ce que c'est un vrai... Un vrai crâne. C'est pas une reproduction, non, là. Pas du tout. On a un crâne humain qui est découpé qui est en petites facettes. Avec un procédé assez, à la fois assez simple, mais complexe. Ce sont du blé qu'on met à l'intérieur du crâne en faisant rentrer une membrane par le rachis cervical. Et donc, on rebouche cette cavité-là. Et par fermentation, le crâne se dilate doucement, sans exploser. Donc, ça donne ce que vous voyez comme structure. Céline Chérissi, là, on se trouve au musée Fragonard. Mais en fait, il y a le musée Dupuytren, finalement, qui a été fermé. Quelle est son histoire, exactement? Alors, c'est une collection dont Dupuytren avait fait don, une collection anatomopathologique, et où on pouvait voir les hydrocéphales, tous les cas de tératologie humaine les plus variés, qui étaient d'une qualité exceptionnelle. Mais effectivement, malheureusement, la collection, enfin malheureusement, le musée a été fermé, la collection a été transférée à Jussieu, et apparemment, les visites ne vont plus être qu'à but soit professionnel, soit pour les étudiants, mais plus ouvert au public. Et donc ce musée se trouvait rue de l'école de médecine, puisque la fac était basée là-bas pendant assez longtemps. Et là donc, ces cerveaux qui étaient conservés dans du formol, finalement, ne se conservent pas si bien. Il faut changer en fin de compte les bocaux. Voilà, le problème c'est que, si j'ai bien compris, ils n'avaient pas de personnel pour changer le formol, pour changer les bocaux. Et donc on avait vu des choses qui quand même commençaient à ressembler à des pièces un petit peu... moisi, pourri, un petit peu abîmé. On ne pense pas que ces cerveaux sont tellement faits pour voyager. Et on a des exemples quand même, notamment un cerveau très célèbre qui a beaucoup voyagé. Ça reste anecdotique, bien sûr, mais c'est le fameux cerveau d'Einstein. Oui, oui. Hein, qui est quand même, c'est une histoire incroyable. Oui, oui, oui, tout à fait. Oui, alors à ma connaissance, en fait, c'est le médecin qui a réalisé l'autopsie d'Einstein qui, devant la débouille et surtout la présence d'un cerveau aussi immense, n'a pas pu résister à la tentation. Et évidemment, il est parti avec le cerveau. Il a pris soin quand même de mettre en place toute une structure logistique dans sa voiture. Et effectivement, de temps en temps, il retirait une lamelle pour l'étudier, éventuellement pour la refiler à un de ses petits camarades pour la faire étudier. Mais il a gardé pendant plusieurs dizaines d'années. Mais en fait, il a le cerveau d'Einstein a navigué dans tous les États-Unis dans cette fameuse voiture. Et c'est seulement à la faveur de vérification policière qu'il a fini par se retrouver avec la main dans le sac. Et il a fini par dire de quelle était l'identité du cerveau. Il a simplement dit qu'effectivement, à l'occasion, lui est arrivé d'en détacher quelques morceaux pour analyse. Parce qu'en fait, le but, c'était aussi sa curiosité de savoir comment ce cerveau avait pu générer une telle créativité et faire qu'il avait pu avoir l'idée de reformater, réorganiser le paradigme de l'univers, en fait. Hein. Il n'a pas trouvé, finalement. Non, a priori, il n'a pas trouvé. Non. C'est une histoire incroyable. Hein, c'est incroyable, incroyable. Que le cerveau de l'homme le plus intelligent du monde puisse se promener comme ça, de façon itinérante et en même temps sauvage, un peu partout, dans le coffre d'une voiture, aux États-Unis, enfin c'est assez incroyable, voilà. Et de manière totalement illégale, surtout. Ah bah, bien sûr, oui, c'est carrément sauvage là, oui. Catherine Sauvadet-Valls, on cherchait donc les signes du génie d'Einstein dans son cerveau, on les a pas trouvés. d'après le poids justement qui a été référencé du cerveau d'Einstein, il semble que celui-ci fasse 10% plus, il soit 10% plus léger que le cerveau, la moyenne du cerveau normal de l'être humain, alors que Marilyn Monroe, elle, avait un cerveau qui pesait 10% de plus que le poids du cerveau humain classique. Voilà. Donc, il n'y a pas de morale à cette histoire. Pas de morale. je ne ferai aucun commentaire, effectivement. À chacun de trouver, ma foi, sa logique. En fait, il n'y a jamais une mesure du quotient intellectuel d'Einstein, mais il y a cette fameuse légende d'un quotient intellectuel de 180, mais c'est une légende, c'est un mythe. Mais la mesure du cerveau, apparemment, il avait un cerveau plutôt plus petit que la moyenne. Et la seule originalité qu'on ait trouvée, c'est que les cellules gliales étaient plus nombreuses que la moyenne. La matière blanche était plus abondante que dans un cerveau moyen. Ce qui, très certainement, nourrit les études sur l'homme glial. On parlait de l'homme neuronal dans les années 80. Et depuis quelque temps, j'assiste à des conférences où on parle de l'homme glial, justement, parce que ces cellules qui sont beaucoup plus nombreuses que les neurones doivent avoir une utilité. Et on se demande dans quelle mesure elles ne permettent pas d'accélérer la transmission des informations, ce qui irait avec le fait que la particularité d'Einstein était au niveau de ses cellules gliales. Mmh. Ça irait avec. Mmh. Et pas au niveau du poids ou de la taille, qui veulent rien dire. Vous savez, cette histoire de poids et de taille, au 18e, moi je viens de faire un livre sur Vincenzo Malacarne, donc je me suis beaucoup intéressée à ça, puisque le dada de Malacarne, sa théorie principale, le noyau de sa théorie, c'est de dire que ce n'est pas au niveau du poids et de la taille que se trouvent les localisations des facultés de l'intellect, mais au niveau du degré de composition du cerveau, de sa richesse, de sa complexité. Tout de suite après Malacarne, on bascule avec Gall et l'anthropométrie, justement, sur un retour au poids et à la taille qui va durer quand même quasiment un siècle. Mais voilà, ça relève de ce qu'on appelle le mythe cérébral. Et dans le mythe cérébral, on peut mettre toutes ces histoires de poids, de taille, cerveau de femme, cerveau d'homme, cerveau des différentes ethnies, il y a eu des classifications d'ethnies par rapport au poids et à la taille du cerveau. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la mythologie cérébrale, comme le fait qu'on n'utilise que 5% de notre cerveau, 10%. Enfin, régulièrement, vous avez des résurgences qui viennent de la mythologie cérébrale. Cette tête humaine est un superbe exemple des techniques anatomiques utilisées au XVIIIe siècle. Les vaisseaux ont été injectés avec de la cire colorée, bleu pour les veines, rouge pour les artères. Ils apparaissent gonflés et permettaient à l'étudiant de bien visualiser le réseau vasculaire. Le crâne est percé de trous par lesquels le cerveau a été ôté. Les muscles et les nerfs ont été individualisés. Malacarne, qui a une physiologie de l'intellect, va essayer de faire des corrélations entre, par exemple, la complexité des lamelles du cervelet et l'intellect, ou bien des corrélations pour des cas d'hydrocéphalie, de maladies mentales, de crétinisme, etc. Donc on voit bien que cette connaissance anatomopathologique est directement utilisée dans les modèles théoriques, dans cette physiologie théorique. Elle sert donc à justifier certaines localisations, mais tout ça reste assez spéculatif s'il n'y a pas de preuves directes. Alors, avec un petit peu de recul, effectivement, cette tentative de localiser des zones du cerveau, on se rend compte que ce sont des conceptions à la fois partiellement exactes, puisque effectivement il y a des zones spécialisées, et partiellement fausses, puisqu'on sait maintenant que ce sont plutôt des systèmes en réseau plutôt que des simples localisations. Cette démarche de localisation, qu'on trouve donc de manière très spéculative au 15e, 16e, 17e siècle, elle va redevenir expérimentale avec la pratique de la vivisection, disons, dès le 17e siècle. Donc c'est un retour de la vivisection telle qu'elle se pratiquait chez l'animal, chez Galien, au 2e siècle après Jésus-Christ. Là, il faut citer un médecin militaire. D'ailleurs, souvent, ce sont des médecins militaires qui vont pratiquer la vivisection. Pourquoi ? Parce qu'ils sont habitués à traiter des plaies, donc à se confronter à la matière vivante chez le soldat blessé, ce que fait pour Fourdupetit. En 1710, donc suite à des combats, la guerre des Flandres, il observe des lésions du cervelet chez des soldats et il va reproduire ces lésions chez le chien, chez des chiens non vivants, où il va enfoncer des stylets métalliques à l'intérieur de la boîte crânienne au niveau du cervelet pour essayer d'avoir une destruction partielle du cervelet. Et ça, il le fait, comme l'avait fait Vézal en anatomie au sujet de Galien, pour réfuter les conceptions de Galien, puisque Galien dit que le cervelet est impliqué dans la sensation, dans la vision, l'ouïe, l'odorat, etc. Or, Pourfour du Petit voit bien que chez ces blessés du cervelet, il y a bien sûr un état dramatique et les soldats meurent en quelques jours, mais il se rend bien compte que pendant leur période de souffrance, ils sont quand même capables de voir et d'avoir des sensations. Donc il va reproduire ces lésions chez le chien, il va réussir à les faire survivre pendant quelques jours, voire une semaine, de manière à observer que ces animaux sont bien capables de sensations et pour réfuter ce dogme de Galien de la fonction du cervelet. Et ensuite, au XVIIIe siècle, certains auteurs vont avoir des idées localisationnistes très précises, par exemple Swedenborg, qui a l'intuition qu'une partie du cortex aurait une fonction motrice. Et puis, ensuite, au XIXe siècle, on peut citer bien sûr la phrénologie de Gall, qui a été excessive, qui a été une idéologie, qui a été plus ou moins malhonnête dans le choix de ses arguments, souvent, mais qui a quand même vu juste, et pour cet esprit des localisations, avec l'étude de cas d'anatomopathologie par Gall, et un physiologiste français, Bouillot, qui va dans cette continuité identifier un certain nombre de lésions qu'il va associer à la perte de ce qu'il appelle la parole articulée. Et ces travaux, dans les années 1820, vont aboutir à la première grande localisation par Broca, dans les années 1860, de l'ère du langage. Et une des grandes étapes également au début du 19e siècle est la localisation dans le bulbe rachidien du centre de la respiration, où lorsqu'on pique ce centre avec une aiguille, l'animal cesse de respirer, il meurt instantanément. On retrouve des faits similaires chez Claude Bernard beaucoup plus tard, hein, sur des piqûres du cerveau et son rôle sur la production d'un diabète. Donc l'idée qu'avec une aiguille, on peut détruire un point focal du cerveau et détruire instantanément une fonction. Donc c'est l'idée qu'on peut, au moins pour certaines fonctions, les localiser extrêmement précisément dans une partie du cerveau. Et à votre avis, Jean-Gaël Barbara, à partir de quand on pense vraiment que ce cerveau est le siège de la pensée? Puisque là, on voit toute l'influence sur le côté moteur et le côté sensible. Mais effectivement, à partir de quand on pense que c'est là que se fait la réflexion? Ça a commencé, on pourrait dire, chez certains auteurs, chez certains philosophes présocratiques au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans le corpus hippocratique également. Mais on se rend compte qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc un siècle plus tard, quelqu'un comme Aristote va rester sur une position cardiocentrique. Donc en fait, la question n'est pas du tout fixée. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, chez Erasistrate, c'est le cerveau en tant qu'organe de la pensée qui redevient en avant. Et on pourrait dire qu'à partir de cette époque, la thèse cardiocentrique sera plutôt abandonnée. Et la thèse donc de Galien, qui est la plus développée, puisque Galien est à la fois philosophe, chirurgien, il opère des gladiateurs, il a une connaissance très intime de l'anatomie humaine, mais il pratique aussi la vivisection chez l'animal. Eh bien, son modèle théorique du cerveau va être à la base de toutes les conceptions théoriques du Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, avec l'idée notamment que le pneuma dans le cerveau se localise, se concentre dans des régions du cerveau qui sont les ventricules, et il localise différentes facultés de l'âme dans ces différents ventricules. Et ce début de localisation des fonctions dans différentes structures du cerveau, eh bien, ces tentatives vont se développer pendant tout le Moyen-Âge avec la médecine arabe, les écoles de médecine en France, à Montpellier, à Paris. Et ça va donner lieu à des théories extraordinairement complexes, mais qui se détachent progressivement de l'anatomie humaine, de l'expérimentation animale, et qui deviennent assez dogmatiques et scolastiques, et qui deviennent plus philosophiques. Des éléments qui a dû intriguer aussi, puisque ici on est quand même à l'école vétérinaire d'Alfort. C'est vrai que la ressemblance d'un cerveau animal avec le cerveau humain, ça a dû quand même un petit peu troubler, puisque même si la taille diffère, les circonvolutions sont très ressemblantes. Et toute l'anatomie comparée cérébrale, la neuroanatomie comparée est passionnante. C'est-à-dire que Je reparle de Vincenzo Malacarne, mais parce que bon, je viens de terminer un très gros travail sur lui, mais il passe son temps à disséquer des cerveaux de la souris à l'homme. Justement pour faire, alors au 18e on parle d'échelle des êtres, là on peut parler du passage de l'échelle des êtres à l'échelle des cerveaux. Avec cette idée justement que ce n'est pas les cerveaux de taille et de poids qui sont à classer, mais les cerveaux finalement plus composés, plus complexes les uns par rapport aux autres. Et on se retrouve avec des animaux plus gros qui sont en dessous d'animaux plus petits, parce que les animaux plus petits vont avoir un cerveau plus composé. Et l'idée est intéressante parce qu'on n'est pas encore dans l'évolutionnisme, on n'est pas encore, mais on a déjà cette idée que finalement, plus les facultés, plus les instincts, plus les comportements sont développés, plus les structures cérébrales internes sont complexes et ont des unités, parce que 18e, c'est 17e, 18e, on recherche les unités fondamentales, hein, donc chez Malacarne, c'est la lamelle, mais on a la théorie de la fibre, la théorie de la machinule, enfin 17e, 18e, c'est vraiment la recherche des unités du vivant, de ce qui fait l'unité donc entre toutes les espèces, tous les êtres, sans être pour autant dans l'évolutionnisme. Mais on a déjà cette idée qu'en comparant les différents cerveaux, on va pouvoir voir comment ils se complexifient au fur et à mesure des espèces, au fil des espèces. Oui, parce que ça rejoint quand même les théories de Darwin. On voit bien qu'il y a... Sans être formalisé de cette façon, ça rejoint les théories de Darwin et en même temps, il ne faut pas faire de rétrospectivisme. On ne peut pas passer le pas. C'est-à-dire qu'au niveau des idées, au niveau de la formalisation, on n'y est pas. On est dans l'observation empirique, mais on n'est pas dans l'analyse. Voyez, l'évolution de Darwin, c'est une grille de lecture. C'est un outil intellectuel qu'il constitue pour pouvoir lire la nature dans son unité et pour pouvoir en comprendre la variabilité en dehors de la métaphysique. Au 18e, on met déjà la métaphysique en éloignement. L'âme, on la met de côté. On met déjà, pour pouvoir parler justement de l'esprit, du cerveau, mais on n'est pas encore dans cette constitution de l'outil que sera l'évolutionnisme. On n'en est pas encore là. Oui, alors il y a des choses intéressantes. On parlait de neuroanatomie comparée. Mm-hmm. Regardez comme c'est. Mais là, on est sur... évidemment, c'est de la représentation. Donc, on est sur la taille extérieure. Là, mais c'est intéressant. Des moulures de cerveau. C'est à taille réelle oui. Alors, c'est des moulures de cerveau qui sont colorées. Elles sont peintes comme si, effectivement, on décrivait des zones particulières avec des couleurs un peu pastelles, un peu vives. Pour différencier très certainement anatomiquement les différentes zones pour pouvoir les reconnaître. Ça ressemble à des jouets pour enfants. Ah ben dans le codage, mais dans les planches des années 60, on trouve ce genre de choses, hein, c'est-à-dire des planches avec des zones colorées, avec ce même type de couleur. Donc on a le cerveau du dromadaire, l'ours brun, le chacal, le renne, la biche, le lion. Il a un tout petit cerveau, le lion. Oui, effectivement. Alors, le cerveau du chat est minuscule, le cerveau du chien... Le cheval en du bas. Porc, mouton, gardez. Chèvre, âne, bœuf. Et le cheval, ah oui, il a quand même un cerveau impressionnant. Et puis là, on a des cerveaux avec des petites étiquettes manuscrites. Sillon sous-sylvien. Là-bas aussi. Alors une idée qui a été quand même très répandue et qui n'est qu'à moitié fausse, on peut dire, c'est cette idée des localisations, qu'il y aurait des zones spécifiques du cerveau pour telle ou telle fonction, et donc notamment cette mythique bosse des maths. Oui. Alors, il faut différencier les problèmes. Cette histoire de bosse des maths, où, à l'époque, vous aviez la bosse du poète, la bosse du philosophe, la bosse du criminel, puisque Gall, qui était à l'origine de la crânoscopie, allait dans les prisons palper les crânes des criminels pour trouver la localisation de leur bosse du criminel. Mais il faut différencier les problèmes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bosse des maths au niveau, vous avez dit c'est vrai ou faux à la fois, au niveau du crâne, qu'il n'y a pas de localisation cérébrale dans le cerveau. L'ère de Broca, tous les travaux sur le langage, mais en même temps, ça ne tient pas compte des réseaux cérébraux et de la faculté qu'a le cerveau par rapport à nos expériences de sans cesse se reformater, se renouveler. Donc voilà, c'est comme vous dites, c'est vrai et faux à la fois. Mais on sait bien que s'il y a certaines zones du cerveau qui sont touchées, d'autres zones peuvent prendre le relais. Et là, effectivement, l'histoire de localisation cérébrale, elle s'effondre. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de localisation, ça veut dire qu'il y a des réseaux, des ensembles de réseaux capables de se réarranger les uns par rapport aux autres. Ça, c'est autre chose. Et c'est ça, Céline Chérissy, on peut dire que vraiment un des grands progrès qui tient, entre autres, grâce aux performances de l'imagerie médicale, c'est justement d'avoir découvert, d'une part, qu'il y avait des circuits neuronaux, et d'autre part, que la plasticité cérébrale, donc la structure, en effet, était très mouvante et pouvait se reconstruire de manière beaucoup plus plastique que ce qu'on imaginait. Tout à fait, d'autant que maintenant, on sait qu'elle se reconstruit jusqu'à un âge le plus avancé, alors qu'on pensait qu'à un moment donné, avec l'âge, ce réagencement cérébral continue à s'arrêter. Et en fait, il n'en est rien. Il continue finalement, mais avec d'autres réseaux, avec d'autres paramètres. Mais sans cesse, le cerveau garde toujours une certaine plasticité. Fragonard a préparé de nombreux enfants morts-nés. La technique utilisée était voisine de celle employée pour les corps adultes. Les artères des fœtus étaient injectées de cire. Les vaisseaux les plus petits étaient éventuellement recouverts de cire quand leur calibre ne permettait pas le passage de l'injection. Les crânes étaient ouverts pour en extraire l'encéphale, difficile à conserver. Les muscles, les nerfs étaient séparés, puis ils étaient séchés dans une attitude évoquant le mouvement. Ce groupe de trois fœtus est particulièrement morbide, et il faut imaginer la réaction des contemporains de Fragonard à la vue de ces tableaux. Un des problèmes du XVIIIe siècle et de cette volonté de localiser les facultés dans le cerveau, c'est qu'on ne fait pas encore d'in vivo, enfin on ne fait pas encore de physiologie sur animaux vivants, c'est du post-mortem. La volonté, je vois chez Malacarne, la volonté c'est de connaître le cerveau de l'homme, de savoir comment fonctionne la pensée dans son cerveau, mais il ne peut pas travailler sur des hommes vivants en dehors de la clinique. Du coup, il fait de l'anatomophysiologie, c'est-à-dire qu'il attend que la personne décède, il récupère l'anatomoclinique physiologie, il récupère son dossier clinique, il l'ouvre et il étudie les stigmates. S'il y a eu maladie mentale, s'il y a eu arriération, il étudie les stigmates relevés dans les symptômes relevés dans le dossier clinique et il essaye de trouver les stigmates corrélatifs dans la matière. Mais vous voyez bien qu'il y a un carcan du modèle anatomopathologique. C'est-à-dire que ce n'est qu'à partir du moment où ils vont pouvoir travailler, et je pense par exemple à la mesure de l'électricité cérébrale, il faut attendre le 19e siècle qu'on travaille sur l'animal vivant, sur le poisson électrique, pour arriver à avoir des mesures de l'électricité animale, puis de l'électricité cérébrale. Puis pour l'homme, il faut attendre Berger, 1924. Mais au 18e, vraiment, il y a ce carcan de l'anatomopathologie que finalement, on veut travailler sur l'humain, donc on attend que l'humain décède, mais quelque part, quand Malacarne veut... Bah, pour l'anecdote, parce que c'est assez amusant, quand Malacarne veut enregistrer, c'est les termes qu'il utilise, hein, donc c'est déjà dans l'époque, on est en 1803, il veut enregistrer l'électricité cérébrale qu'il pense qu'elle est produite par le cerveau, il est persuadé qu'elle est produite par le cerveau, mais il prend un cerveau mort, il le découpe en rondelles pour essayer de le mettre à l'enregistrement. Ça ne pouvait pas marcher. C'est là qu'on voit les limites de la méthode de l'époque, c'est-à-dire que l'idée, l'intuition, elle va être reprise parce qu'elle est extrêmement féconde, mais les conditions d'expérimentation ne pouvaient pas du tout donner quelque chose de positif au niveau de la connaissance positive. Et l'exploration aujourd'hui, c'est vraiment la réalisation des rêves des anatomistes du 16e au 18e, c'est-à-dire avoir une anatomie du vivant. Comment se pose aujourd'hui, comment est résolu en France le problème des malades mentaux? C'est la question que nous posons ce soir à quelques éminentes personnalités médicales. Tout de même maintenant, on guérit des maladies mentales et en particulier, au cours de ces dernières années, depuis qu'on a l'électrochoc, beaucoup de malades ne sont plus internés, restent dans des hôpitaux ou dans des services libres sans être internés. Ces deux questions, ces deux faits, expliquent la diminution du nombre des maladies mentales. Voilà, donc là on est devant l'entrée de l'ICM, donc c'est l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et bon, le bâtiment est très high-tech, mais c'est à l'intérieur que se cache la bibliothèque Charcot, qui est vraiment un lieu historique. Il faut rappeler que l'hôpital de la Salpêtrière, à l'époque, ça s'appelle l'hospice de la vieillesse femme. Et Charcot va y voir une opportunité. Au départ, c'est un travail de médecine générale, construire une pathologie de la vieillesse. Et puis, c'est dans un second temps qu'il va passer aux maladies neurologiques, Alors, il y a quand même un avantage, si on est un peu cynique, de travailler sur des populations âgées lorsqu'on est anatomo-clinicien, c'est que les autopsies sont réalisables en un temps prévisible. Alors que si vous vous intéressez à des populations jeunes, ce qu'il fera plus tard lorsqu'il travaillera sur l'hystérie, par exemple, évidemment, il faut trouver d'autres méthodes. Une de ses grandes gloires, si on peut dire, c'est d'avoir refondu totalement la classification des paralysies, d'avoir refondu la classification des maladies neurologiques, qui était très floue, qui était très vague. Eh bien, c'est un grand apport de Charcot. Une autre pathologie auquel il va s'intéresser beaucoup, c'est l'épilepsie. Et il va hériter, à un moment donné, d'une nouvelle patientèle, qui est les femmes épileptiques et hystériques. Alors, ces femmes épileptiques et hystériques, on ne pouvait plus, en vertu de la loi, les mélanger aux aliénés. Épilepsie, hystérie, on parle même d'hystéro-épilepsie. On a, au fond, on a donné tout ça à Charcot pour essayer d'y voir plus clair. Et donc, on lui doit cette individualisation très précise de l'épilepsie, qui est une très vieille maladie, hein, qui est une maladie très ancienne, connue depuis l'Antiquité, mais on lui doit la description très précise. Donc, Charcot a pu créer des distinctions entre les maladies neurologiques qui sont devenues un peu les nôtres. Un autre exemple, c'est la distinction entre la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson. Alors, c'est pareil, la maladie de Parkinson, c'est une maladie moins ancienne que l'épilepsie, identifiée beaucoup plus récemment par justement James Parkinson. Alors, c'est Charcot qui va donner à la maladie de Parkinson son nom pour rendre hommage justement à James Parkinson. L'or n'était qu'une étape. Les aimants furent encore plus instructifs. Non seulement les contractures circulaient de ci de là, mais il semblait que le corps des filles conservait une sorte de mémoire des excitations, de sorte que l'on pouvait ensuite les faire ressurgir dans toute leur rougeur 15 jours plus tard, comme les voix de ces phonographes que l'on commençait à voir apparaître. Et puisque le courant magnétique semblait huiler quelque peu la mécanique de leurs petites automates, les médecins se mirent ensuite à les électriser. On proposait à ces demoiselles des bains galvaniques, des bancs électriques, des étincelles. On les faradisait pour calmer leur crise ou, puisqu'on pouvait maintenant tout faire, défaire ou refaire à volonté pour les tétaniser, afin de les photographier plus à l'aise. L'endroit devenait une sorte de manufacture où l'on fabriquait à la demande des statues, des tragédiennes, des ballerines, des mystiques industrielles. On évoquait, Jean-Claude Dupont, les différentes méthodes thérapeutiques. Alors, il y en a qui sont étonnantes, hein, comme par exemple la métallothérapie, le magnétisme, l'électrothérapie, l'hydrothérapie, les bains électrostatiques. Et il aurait inventé pour les parkinsoniens des fauteuils trépidants. Oui, alors ça fait partie des innovations, entre guillemets, thérapeutiques dans le domaine de la neurologie. Ben, on teste un petit peu tout, voilà, c'est ça, de manière empirique et de manière un peu au hasard. Hein. Y a pas nécessairement de théorie, hein, même très très rarement de théorie qui correspondent à ces remèdes thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on teste pour voir. Alors, l'exemple du fauteuil, effectivement, qui fait trembler les gens, ça peut paraître extrêmement curieux. Alors, vous avez cité aussi la métallothérapie. Il faut reprendre un peu l'histoire du magnétisme. Et au fond, l'idée de magnétiser les gens est tombée en disgrâce à cause de rapports de l'Académie des sciences, donc dès la fin du 18e, de l'Académie royale des sciences à l'époque. Et le magnétisme est quelque chose qui est extrêmement mal vu du corps médical jusqu'à ce que Charcot ait la... On va dire, je ne vais pas dire le courage, mais le culot, on va dire. Mais fort de sa notoriété de neurologue, qui est déjà considérable à l'époque, de reprendre cette méthode et d'essayer de l'utiliser, mais sous la forme de l'hypnotisme ou de l'hypnotisation, pour soigner les malades hystériques, mais surtout explorer la maladie. Quelle hystérie ! Alors la métallothérapie, c'est une dérive... un petit peu de ces considérations, puisque les métaux sont capables de générer des champs magnétiques. Il y a aussi une autre thérapie qui est utilisée aussi, c'est l'électrothérapie, qui est aussi hérité du XVIIIe siècle, hein, qui consiste à appliquer des courants. Alors l'électrothérapie est très à la mode à l'époque. Donc électrothérapie, métallothérapie, on a affaire à des théories physiques, et à des remèdes physiques, auxquels il va essayer de relier l'hypnotisme. Donc il y a un matérialisme sous-jacent, hein, dans, ou tout au moins un naturalisme, un positivisme, évidemment, c'est pas la même chose, mais enfin, tout ça se mêle dans la perspective de Charcot, la naturalisation des maladies, la thérapeutique physique des maladies. Les maladies sont des entités naturelles, on peut les soigner de manière naturelle grâce à des moyens physiques. Donc une démystification, une démythification de ces maladies mentales. Exemple, l'hystérie, qui était assimilée, par exemple, à la possession diabolique avant le XVIIIe siècle. Au moment où Charcot, avant Freud, a commencé à s'intéresser aux hystériques, elles étaient considérées comme des simulatrices. C'est-à-dire qu'elles présentaient des symptômes qui n'avaient donc pas de traces neurologiques, mais qui ressemblaient à des maladies neurologiques, les paralysies hystériques. Et c'est Charcot le premier qui a montré qu'il s'agissait en fait non pas de simulatrices, mais de vraies malades nerveuses. Bon. Et donc Freud est parti de cette sémiologie de l'hystérie de Charcot, et a été encore beaucoup plus loin pour construire ce que c'était que la névrose. Donc au départ, la névrose est une fausse maladie neurologique ou organique et une vraie maladie psychique. Donc cette question du faux intervient au début de la psychanalyse. Ça a été d'ailleurs une vraie bataille, parce que pendant encore des années après, on a démembré toute la théorie de l'hystérie de Charcot, notamment en France. Bon. Et le débat sur la simulation a duré jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus qu'il fallait, pendant la guerre, dépister les simulateurs des vraies névroses de guerre. Et que là, le problème s'est encore reposé, en particulier avec le neurologue Babinski, qui voulait différencier les vrais malades des faux malades. On a évoqué, Jean-Claude Dupont, un certain matérialisme dans la vision de Charcot. Et paradoxalement, il y a eu toute une période où il a développé les techniques d'hypnose au point d'en faire un petit peu un spectacle. Puisque ici, dans cet hôpital, il y avait des séances d'hypnose publique qui, justement, a entraîné aussi des arguments pour ses détracteurs, mais qui ont fait aussi sa renommée. Oui, tout à fait. Alors, tous les mardis matin, il y avait les fameuses leçons du mardi de Charcot, où effectivement, à la Salpêtrière, ici, il y avait des démonstrations, qui étaient des démonstrations d'ailleurs publiques, hein, qui n'étaient pas réservées aux seuls étudiants. Il y avait aussi le grand public, qui a été à un moment donné convié à ces spectacles. Hein. Donc, cette mise en scène de la pathologie, qui va faire beaucoup d'ailleurs pour la renommée de Charcot, la renommée mondaine. Donc on lui a effectivement beaucoup reproché le problème, j'allais dire, de la preuve, le problème épistémologique, le problème scientifique, si vous voulez. Est-ce que finalement l'hystérie, c'est pas une mise en scène? C'est pas au fond une maladie inventée? Au fond, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est si naturelle que ça? Et il a montré qu'elle est reproductible en public, et ça fait partie de la preuve. Voilà, bibliothèque Jean-Martin Charcot, qui est installé dans les locaux qui sont faits pour la conservation. Donc là, la température, l'humidité sont contrôlées, et puis on a des vitrines sécurisées pour la partie la plus précieuse des fonds. Donc là aussi, c'est assez intéressant par rapport à l'ancienne bibliothèque, bon, qui avait l'avantage d'avoir l'ancien mobilier de Charcot, qui était assez splendide, avec des grotesques, avec des trompe-l'œil, parce qu'il avait fait faire sa bibliothèque sur le modèle d'une bibliothèque à Florence. Et là, on est quasiment à l'intérieur du crâne de Charcot, de voir ce qu'il a compulsé, ce qu'il a eu dans les mains, même s'il n'a pas lu, parce que sur 5000 ouvrages, j'ai pas fait le calcul de temps de lecture, mais c'était un esprit extrêmement ouvert. Alors je vois, il y a des annotations. Apparemment, c'est une représentation d'une crise hystérique, donc délire d'une jeune fille. C'est un dessin. Effectivement, elle n'a pas l'air bien. On voit très bien l'image démoniaque dans la gravure qui est associée à la maladie hystérique. Et c'est justement ce contre quoi Charcot va s'élever. En octobre dernier, une équipe d'archéologues avait trouvé le crâne d'un homme datant d'il y a plus de 7000 ans. Et sur ce crâne, il y avait deux petits trous qui ressemblaient à des traces de trépanations plutôt bien cicatrisées. Des trépanations chirurgicales il y a 7000 ans. Voilà de quoi étonner les archéologues. Cette découverte a mobilisé une équipe de chercheurs franco-allemands pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, ces chercheurs publient leurs résultats dans la revue Nature. Oui, il s'agit bien de trépanations chirurgicales effectuées à l'époque du néolithique. Commentaire de l'un de ses chercheurs, Éric Boès, anthropologue à l'Université de Bordeaux, au micro d'Armand Perouloga. Il y a, disons, des traces de réparation osseuse, de cicatrisation, donc qui confirment tout à fait l'intervention humaine, chirurgicale, sur ce crâne. On a toujours des a priori, mais en fait, ce genre d'intervention était connu déjà très anciennement, dès le néolithique, voire peut-être plus anciennement, en fait. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que on observe dans certaines zones, notamment au Pérou, je crois, chez des hommes préhistoriques, des trépanations qui sont successives à des lésions. Donc ça a pu être une méthode pour soigner, pour que la cicatrisation osseuse se fasse plus facilement. Mais il y a aussi probablement des aspects magiques, thérapeutiques, pour des maux de tête, etc. Donc là, on rentre dans l'interprétation. Il y a aussi des cas, je crois, qui ont été rapportés de trépanations sur des animaux, sur des séries d'animaux. Bon, ça laisse imaginer que peut-être on a pu réaliser des sortes d'expérimentations, d'essais sur des animaux. Mais ce qui est intéressant avec ces trépanations, c'est de les relier à d'autres pratiques du cerveau, notamment des pratiques de mise à mort sur des animaux, où on donnait des coups sur la tête aux animaux dans le but de les tuer. On a des exemples de babouins, de restes de babouins fossiles qui ont été retrouvés comme ça. Et l'idée fondamentale, c'est l'idée que lorsqu'on abîme la boîte crânienne, on peut avoir des pertes fonctionnelles de connaissance, de vigilance, de vue, d'ouïe, des sens, et que donc le cerveau qui est dans la boîte crânienne peut être le siège de facultés intellectuelles, cognitives, et ça, ce sont des idées qui ont été largement inconscientes, je pense, mais qui se sont développées petit à petit au cours de l'Antiquité. Alors ces conceptions se sont opposées dans l'Antiquité à toute une série de théories médicales qui a lié totalement à l'encontre de l'importance du cerveau dans la physiologie de l'organisme et qui considérait que l'organe central était le cœur, qui était le siège de sentiment, de l'intellect, de l'intelligence. Donc ces théories cardiocentriques qui ont été développées abondamment dans les textes et dans les papyrus égyptiens, dans la philosophie grecque. Il y a eu donc cette opposition entre cette connaissance chirurgicale qui considérait que le cerveau pouvait être un organe important et puis ces conceptions médicales. Alors par exemple, si on parle des pratiques de momification chez les Égyptiens, on se rend compte que le cerveau est soit extrait, soit carrément jeté, soit on bourre le crâne avec des herbes, donc on comprime cette matière, on ne lui accorde aucune importance. Donc ça, c'est extrêmement révélateur, ce qui prouve que le cerveau, chez les Égyptiens, n'était pas considéré comme un organe à grande valeur symbolique. Et on peut comparer ça aux pratiques en Chine ancienne, où on considérait que le corps devait être entier pour passer dans l'au-delà, puisque les eunuques à la cour impériale de Chine devaient racheter leurs organes génitaux, partie manquante, pour pouvoir leur assurer une vie après la mort. Cette conception donc cardiocentrique va être en concurrence avec la conception qu'on pourrait appeler céphalocentrique et qui naît au VIe siècle. On a des traces chez des philosophes présocratiques et puis dans le corpus hippocratique où là, le cerveau devient véritablement un organe central dans la pensée, probablement par une série d'expérimentations et d'observations. Et un texte du corpus hippocratique extrêmement célèbre, y compris chez les neuroscientifiques actuels, c'est le texte de la maladie sacrée, un texte sur l'épilepsie, où Hippocrate, enfin, ou un de ses élèves, ont décrit une expérimentation chez une chèvre épileptique. Elle est sacrifiée au moment d'une crise épileptique. On lui ouvre la boîte crânienne, on ouvre la matière cérébrale, et on note une espèce d'engorgement de phlegme, de liquide, probablement du liquide céphalorachidien, mais l'observateur note une accumulation anormale de ce qu'il appelle le phlegme dans ce cerveau, et il en déduit que cet excès de phlegme serait dû à la crise épileptique, donc une espèce de corrélation matérielle, anatomophysiologique, entre l'excès d'une humeur, selon la théorie des humeurs grecques, et la survenance d'un état pathologique. Alors, dans le corpus hippocratique, on fait le lien dans l'état pathologique, mais également dans l'état normal, en disant que les humeurs sont responsables des fonctions intellectuelles, des facultés de l'âme, donc, y compris chez l'homme. Ce fœtus n'a pas été injecté à la cire, mais simplement disséqué avant la conservation. Il semble danser la gigue, gardant ses bras le long du corps et lançant ses jambes sur le côté. Alors, au XVIIIe siècle, les anatomistes cherchent à décrire le cerveau et les substances cérébrales à tous les âges. Et il y a des passages absolument intéressants, interpellants, où le cerveau des fœtus est décrit comme de la crème de lait, comme du sirop de lait. Alors, c'est intéressant parce que par les couleurs, ils arrivent à différencier le cervelet de l'ensemble du cerveau. Mais ces descriptions quasiment, j'ose pas dire culinaires, mais sont assez pertinentes et assez intéressantes. Et on rejoint le côté où on traite le corps finalement comme un objet. On est dans la phase d'objectivation du corps. Hein. Le corps devient objet, le corps est machine, donc on peut l'étudier comme n'importe quelle autre machine. Épistémologiquement, on est dans ce mouvement-là, ce qui se voit à travers le vocabulaire. Ce sentiment d'intérêt dans le système nerveux est commun aux spiritualistes et aux matérialistes. Les premiers voudraient trouver la liaison de l'âme et du corps. Les seconds voudraient savoir comment le cerveau engendre la pensée. Au siècle dernier, on découvrit que certains points du cerveau, localisés avec précision, commandaient au mouvement, à la vision, au langage. Les matérialistes de l'époque espéraient trouver bientôt le siège exact de nos pensées les plus éthérées. Vous, Céline Chérissy, vous êtes philosophe des sciences et donc on a encore maintenant cette frontière entre cette idée que ce serait un organe matériel sur lequel reposeraient nos capacités mentales, celles d'avoir un esprit, d'avoir des idées qui naissent, qui émergent de la matière. Et on n'a toujours pas vraiment tranché dans cette idée d'un dualisme ou d'un matérialisme. C'est pas très clair. On n'a pas encore vu vraiment une pensée émerger d'un cerveau. Alors, le cerveau pense, c'est quelque chose qui est assez couramment accepté chez les psychologues cognitifs et chez les scientifiques, depuis le neuroturn, les années 90, fin 90, début 2000. Pas avant. Avant, on ne pensait pas que le cerveau était le siège de la pensée ? Si, mais cette idée, le cerveau... Alors, c'est différent de dire que le cerveau est le siège de la pensée, c'est une affirmation différente que celle de dire que le cerveau pense. Le cerveau pense, on est vraiment dans un matérialisme avec une seule substance sortie du dualisme, et cette idée que la pensée, c'est la matière. C'est une question de posture, j'ai presque envie de dire de croyance, quoi. Ça reste encore assez indéterminé. Mais dans l'histoire des questionnements autour du cerveau, à partir de quand on a réalisé que c'était là, effectivement, qu'était le siège de la pensée ? Alors, je pourrais remonter à Hippocrate. C'est quand même l'épilepsie, c'est le cerveau qui développe ce dérangement. Après, il y a toute la période obscurantiste, le Moyen-Âge. Je vais dire que ça refait surface de façon assez forte au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, avec l'esprit des Lumières et les médecins des Lumières. Et le matérialisme, Cabanis, la maîtrise, voilà. Ça refait surface avec suffisamment de force, parce qu'on fait ce glissement assez subtil entre les facultés de l'âme sont localisées dans le cerveau, bon, ça c'est les théories ventriculaires du Moyen-Âge, et la pensée est localisée dans le cerveau, sont deux choses différentes. Et là, on fait ce passage-là au XVIIIe siècle, progressivement durant le XVIIIe siècle. Tour au cœur du musée, avec ces fabuleuses pièces de Fragonard. Ces têtes, elles sont magnifiques. Donc, il faut décrire ce que c'est que sont donc ces fameux écorchés d'Honoré Fragonard qui ont fait sa célébrité. C'est la première version de la plastination. Hein. C'est quand même fabuleux, hein, dire les corps plastinés, plastifiés. C'est fabuleux. Le toucher, le rendu est extrêmement intéressant. La chair est enlevée. Le polymère de polyuréthane. Oui, mais là, ce que vous me dites, c'est que les bouts de tête qu'on voit, ce sont des vraies personnes à la base. Oui. La matière première, ce sont vraiment des personnes. Ce sont vraiment des personnes. Et comment est-ce qu'ils obtiennent ces colorations? Là, on voit des sortes de circuits, de veines ou je ne sais quoi d'ailleurs. C'est au XVIIe siècle qu'on met au point les premières colorations au niveau de l'anatomie du cerveau, de l'ensemble du corps. Et en fait, on les obtient par injection d'encre de différentes couleurs, par injection de cire de différentes couleurs. Il y a pas mal de techniques comme ça qui sont mises au point assez tôt pour arriver à mettre en exergue les différentes voies de communication anatomique. Donc là, c'est un écorché de Fragonard, buste humain entre 1766 et 1771. C'est la période, hein. C'est vraiment la période où on fait... Bon, lui, il en fait un art, il élève ça vraiment au rang d'art, mais Malacarne en fait aussi à seule visée médicale. C'est-à-dire insuffler, souffler des liquides colorés, des encres, juste pour mettre en visu les voies de communication. L'intérêt étant que de ces voies de communication peut être inférée une physiologie. Puisqu'on est en post-mortem, la physiologie, elle s'échappe. Elle est sacrifiée par la dissection. Donc le fait de pouvoir injecter des liquides colorés, on peut voir les parties qui circulent entre elles et les parties qui ne circulent, qui ne communiquent pas entre elles, et du coup en déduire des mécanismes physiologiques. Alors pas toujours vrai, mais peu importe finalement. Le vrai, le faux en histoire des sciences, c'est pas tellement ce qui importe, ce sont les portes que ça ouvre qui sont intéressantes. Il manque un élément thérapeutique, mais que Charcot espère de ses voeux, et qu'il espère justement promouvoir, voire promouvoir suite à la théorie des localisations, c'est la chirurgie, donc la neurochirurgie. Alors, au XIXe siècle, elle est encore balbutiante, mais Charcot espère, un jour, dit-il, tout le monde s'y mettra, il espère pouvoir un jour, dans la logique de la, à la fois de la naturalisation et de la localisation des maladies, eh bien, il espère pouvoir opérer un jour, il espère pouvoir permettre l'opération, la neurochirurgie. Ce sera réalisé au XXe siècle seulement, la neurochirurgie. Il y a des tentatives encore à l'époque de Charcot, mais avec une mortalité, des techniques qui ne sont pas évidemment à la hauteur des espérances de Charcot. Mais docteur, peut-on faire impunément des lobotomies aux malades sans risquer de changer leur personnalité? 1950. Un des inconvénients de la lobotomie réside en effet dans une modification parfois excessive de la personnalité du malade, qui devient indifférent dans sa vie sociale et affective. C'est pourquoi on a cherché à faire des opérations partielles sur les lobes frontaux, donnant non seulement une altération moindre de la personnalité, mais peut-être des effets plus spécifiques. Jean-Gaël Barbara, au-delà de la question de la localisation, on a aussi, surtout aujourd'hui, cette idée du rapport entre le cerveau et l'identité. Et quand vous parliez des expériences avec les chiens, ça me rappelle notamment un texte de Camille Flammarion qui tente des expériences de greffer une tête de chien sur un autre chien et qui reste vivant quelques minutes. Donc des choses évidemment qui nous semblent épouvantables aujourd'hui, mais qui du coup posent cette question de l'identité. Oui, bien sûr. Alors l'identité, la question de l'identité, elle est posée de manière très précise par Gall et sa phrénologie, puisque c'est l'idée que finalement il y a une individualité qui est ancrée dans la forme du crâne et donc la structure du cerveau. Donc ça, ce sont des thèmes qui sont travaillés en philosophie encore à l'heure actuelle. Pour ce qui est des greffes, moi je citerai simplement une réflexion de John Eccles, qui était un prix Nobel de physiologie, qui lui demandait si un jour on pourrait greffer une tête sur un corps. Il a répondu non, absolument jamais, mais un jour on pourra greffer un corps sur une tête. Donc vous voyez que l'organe cérébral est bien le siège de l'identité. Maintenant, c'est toujours la même question, comment est-ce qu'on peut localiser certains types d'individualité dans certaines structures cérébrales? Ça, ce sont des questions qui sont très très extrêmement délicates. C'est comme par exemple essayer de trouver des corrélats anatomiques ou physiologiques de la criminalité ou de l'homosexualité. Vous voyez, donc dès qu'on entre dans ce genre de discussion, il y a un dérapage possible. Et puis il y a l'idée que, quand même, c'est une certaine naïveté de penser que des choses aussi subtiles puissent s'ancrer de manière matérielle dans des structures de réseaux neuronaux, puisque c'est comme si on prenait un ordinateur et que simplement en le désossant, on devrait deviner si ce que contient l'ordinateur, s'il contient plutôt des textes littéraires ou des textes scientifiques. Vous voyez que ça n'a absolument aucun sens. C'était Voyage au centre du cerveau. Aujourd'hui, de la cervelle en bocal. Avec Les cerveaux vivants de Jacques Frazy, régisseur principal du musée Fragonard, Guillaume Delaunay, conservateur de la bibliothèque Charcot, Catherine Sauvadet-Valls, thanatopracteur, Céline Chérissy, philosophe et historienne des sciences, et des historiens des sciences Jean-Gaël Barbara et Jean-Claude Dupont. Avec la matière grise de Philippe Etienne et Gilles Gallinaro pour la prise de son, celle de Marine Decamp pour les archivina et de Romain Couturier pour la recherche musicale, de Delphine Baudet pour le mixage et les neurones d'Anna Schmuck pour la réalisation. Un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment vous creuser la tête, bibliographie, lien, nous podcaster pour le blog ou nous réécouter à la morgue, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, deuxième épisode, les états limites de la conscience. Mais dans un instant, c'est le journal de 18h.